allez faire, parler au quotidien, de gré ou de force? Oh, mais de bon gré, mon cher Ivan, parce que ça m'est très agréable, figurez-vous, de faire parler au quotidien. Et on trouve là la racine du mot gré. Ça vient de gratum, gratum, comme on veut en latin, qui désigne ce qui est agréable. Et cette racine, d'ailleurs, on la retrouve donc dans agréable, on l'a déjà dit, mais également dans agréer, veuillez agréer monsieur, mes salutations distinguées, ou également l'expression savoir gré. Je vous saurai gré, attention, c'est le verbe savoir, je vous saurai gré de me donner rapidement une réponse, mon cher Ivan. Oui, c'est un ordre poli, d'une certaine façon. Donc le mot gré, G-R-E, accent aigu, est relativement peu employé comme un nom commun, bien que ça en soit un à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la volonté, mais en même temps, le plaisir, une volonté qui évoque plus le caprice, la fantaisie, l'humeur du moment, si vous voulez, vous ferez ça à votre gré. Alors, ça peut s'employer en ce qui concerne une personne, mais les éléments aussi, par exemple, une girouette qui tourne au gré des vents. Oui, ou une humeur qui change au gré des saisons. Enfin, vous voyez, toujours avec cette idée de quelque chose de mouvant, mais d'imprévisible, comme nous l'avons dit. En tout cas, il est utilisé dans des expressions figées, des expressions toutes faites, qui sont d'ailleurs le plus souvent doubles. De gré à gré est une très ancienne expression française qui signifie à l'amiable. Mais attention, on l'emploie exclusivement dans le domaine administratif, particulièrement dans le secteur boursier, où les banques vont se fixer des cours de gré à gré. C'est-à-dire ça, on dit par exemple que le dollar s'échange de gré à gré entre banques à 5,80 francs ou à 5,85 francs, et ça change tous les jours. Il est beaucoup moins agréable de devoir faire les choses de gré ou de force. Oui, il y a quelque chose d'un peu menaçant là-dedans. Oui, on a toujours l'impression que c'est davantage d'ailleurs la force qui l'emporte, bien qu'il y ait le mot gré dans l'expression. Je dois faire parler au quotidien de gré ou de force, c'est-à-dire que ma volonté va assez peu compter, et je vais être en clair contrainte de le faire. Vous le ferez bon gré mal gré. C'est à peu près le même sens que de gré ou de force, mais attention, là il s'agit de quelque chose d'assez subtil, d'un peu subjectif, c'est moins fort. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'avais pas trop envie de le faire aujourd'hui, parler au quotidien, mais bon, ben, c'est mon travail, ben, il faut bien. Alors je me résigne, c'est ça, bon gré mal gré. Hein. En revanche, vous savez que j'ai dû épouser un vieillard Kakoshim, bien sûr, contre mon gré. Alors là, pas de problème, c'était contre ma volonté. Ici, le sens est très précis. On m'a contrainte vraiment à faire les choses. Vous voulez dire que vous l'avez épousé malgré votre amour délirant pour le jeune Jules? Malgré est donc une préposition qui indique la concession. Malgré la pluie, je suis sorti sans chapeau. Malgré son grand nez, il a réussi à séduire une actrice de cinéma, c'est ça? Oui, à peu près. Bref, je résume ma situation. Malgré que j'aime Jules, j'ai bien dû épouser le vieux Robert. Alors, c'est vrai, mais est-ce que je peux le dire? Bah, vous l'avez dit, et beaucoup de gens le disent. Malgré que est une tournure qui pose des problèmes. Très souvent, des grammaires ont dit « malgré que », c'est une faute. C'est l'horreur, pas du bon l'horreur. Français, c'est l'horreur, c'est l'emblème même de la faute. Pourtant, André Gide, pourtant Marcel Proust, pourtant nos meilleurs écrivains ont employé ce tour « malgré que ». Et pourtant aussi, aujourd'hui, l'Académie a reconnu « malgré que » comme correct. Alors ben alors, il faut savoir qu'on nous a tellement seriné pendant des décennies que « malgré que » n'était pas correct, que, à l'heure actuelle, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas correct. Et si vous employez « malgré que », vous parlerez un français parfait et beaucoup de gens penseront que vous n'êtes qu'un rustre qui ne connaît pas sa grammaire. Alors, il faut le savoir, quoi.